On va parler de la NBA, de la chronique NBA avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Pascal, il y avait un débat l'autre jour à ESPN et je voulais t'en parler sur les LeBron James. Et est-ce qu'il faut ajouter les 76ers de Philadelphie comme une équipe qui pourrait être intéressée à LeBron? Il y a un paquet de jeunes. Il me semble qu'un leader qui sait comment gagner, ce serait extraordinaire. Écoute, Danny, en ce moment, là, à chaque fois qu'il va aller jouer à l'extérieur, ouais. il y a plusieurs endroits qui vont mettre des bannières puis qui vont l'attendre à l'aéroport pour dire bien jouer. Parce que tout le monde sait qu'il devient un joueur autonome. Donc, techniquement, il peut quitter Cleveland. Okay. Personnellement, mon opinion ne change pas. Je peux pas aller à 100% parce que on sait, même je pense que même LeBron ne sait pas lui-même qu'est-ce qu'il va faire. Okay. Mais moi, je pense qu'il va rester à Cleveland. Tu penses qu'il va rester à Cleveland? OK. Ouais. Parce que c'est un gars de Cleveland. À sa 15e année dans la NBA, 14e année, 15e saison, c'est quoi? Courir après Michael Jordan, ça devient essoufflant. Okay. Kobe, il a réussi à le faire avec une équipe. LeBron est fait avec deux équipes. Les rumeurs, mec, LeBron peut aller avec les Warriors de Golden State. Ça, j'y comprends. Il y en a même qui parlent qu'il pourrait aller à Boston. OK? OK. À chaque match qu'il perd, l'équipe qui l'a battu, mais pourquoi tu t'en viens pas jouer pour nous autres? Exemple. Okay. Fait que ça, là, c'est une situation de journaliste, c'est une situation de spectateur, d'amateur de basketball. C'est correct, c'est le fun. Mais là, il y avait la rumeur qu'il avait été visité des écoles à Philadelphie. T'sais, les gens, ils cherchent à vendre leur matériel, premièrement. Ouais. Qu'est-ce qui est bien vendeur, c'est LeBron James. Mais à la fin de la journée, moi, je pense sincèrement qu'il va rester à Cleveland. Tu sais, s'il veut vraiment, vraiment, vraiment un championnat, là, il y a deux équipes. Houston puis les Warriors. OK. S'il veut vraiment, vraiment un championnat. Mais moi, je pense que lui-même sait que s'il s'en va jouer pour les Warriors puis il en gagne quatre de suite, les gens ne vont pas le respecter. Ouais, parce que... Je pense que ce que Kevin Durant a fait, c'était correct. Il avait le droit de le faire. Ouais. Il a gagné un championnat. Il a quand même quitté une équipe qui battait l'équipe qui s'est joint. Mais je pense que LeBron James, selon moi, avec tout ce qu'il a bâti à Cleveland, je pense qu'il y a au-dessus de 1100 jeunes à qui il a payé l'université à 100%. Il y a sa fondation. Il est très bien installé à Cleveland. Maintenant, on sait qu'il y a une maison à Los Angeles. On sait qu'il va peut-être envoyer ses enfants dans les écoles là-bas. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va aller jouer pour les Lakers de Los Angeles. Okay. Beaucoup d'athlètes, Danny, ont un pied à terre avec leur famille, et souvent ils vont avoir un condo, ou ils vont avoir un appartement, ou ils vont avoir une maison où ils jouent. Fait que souvent la femme d'athlète X décide, regarde-moi, si t'es échangé à Houston, moi je reste à Boston. Okay. On va se voir les fins de semaine, tu comprends? Ouais. Un peu Carmelo, il y avait un dilemme, mais là il était comme en séparation là, mais Carmelo voulait pas s'éloigner de New York parce que son fils est à New York, sa femme est installée à New York, son ex est installé à New York. T'sais. Moi, je pense que sincèrement, c'est sûr que tout le monde sait que LeBron James est un producteur d'émissions de télévision. Tout son entourage maintenant, ce sont des riches hommes d'affaires. Les jeunes avec qui il jouait dans son équipe au secondaire, c'est, ils font tous partie de son entourage. Il y en a un qui est l'agent, l'autre qui est le directeur de tout ce qui est ses productions de cinéma, de séries de télévision. Fait que c'est sûr que Los Angeles fait du sens. Moi, je pense qu'avec, si on regarde tout ça, là, il va rester à surtout qu'il est allé faire son tour ailleurs, hein. Ben, il a joué à Miami. Ouais, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Il a quand même passé 7 ans de sa carrière, comme Kevin Durant, il a passé, je pense, 9 ans ou 6 ou 7 ans de sa carrière à la même endroit. Tout le monde a le droit de bouger dans la vie. Tout le monde a le droit d'explorer d'autres choses. Ouais. Tu sais, Danny, il y a une chose que LeBron a dit. Quand c'est un propriétaire qui t'échange, c'est la vie. Ouais. Quand c'est toi qui veux quitter, t'es pas loyal. C'est sûr. Moi, je pense que LeBron James va rester. Je pense que l'échange qui a été... La meilleure chose, il n'y a pas une grosse différence dans les statistiques en ce moment avec l'échange. Les joueurs qui étaient là avant, on est d'accord avec ça? Ouais. Mais il y a une chose qui est réelle. Ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont beaucoup plus athlétiques. Puis je pense que si, dépendamment de ce qu'ils vont se rendre dans les playoffs cette année, LeBron va revenir. Ils sont quand même capables d'aller chercher... T'sais, on est d'accord que Tristan Thompson fait pas vraiment la job, selon moi. Ouais. Il s'est blessé à la cheville. On a inséré Larry Nance Jr. dans le starting five. Il a fait 22 points, 15 rebonds. Deux sommets dans sa carrière de points et de rebonds. Le premier match qu'il réussit à être dans le 5 partant, c'est ça qu'il fait. Mm. Fait qu'on commence déjà à oublier Tristan Thompson. Puis la différence avec Larry Nance Jr., il est capable de faire des paniers. Capable de scorer, capable de lancer. Moi, okay. Je pense qu'il va rester à Cleveland. Mais attends-toi à d'ici la fin de la saison, Danny, à entendre parler Houston, les Warriors, Los Angeles Lakers, Philadelphie, parce que tout le monde sait. Premièrement, Ben Simmons à Philadelphie. Ouais. OK. Mais je le vois à Philadelphie, c'est drôle, hein? Pour guider ce truc. Philadelphie, c'est un client de la compagnie de LeBron James. OK. Là, c'est de là que ça a parti la rumeur, probablement. Ça fait longtemps. OK, OK. Parce que j'ai vu ça sur ESPN la semaine dernière, le débat qu'il y avait, puis je me dis ça a bien du sens, puisque tu sais, il y a quand même plusieurs jeunes à Philadelphie. Là, pour entourer cette gang de jeunes-là, LeBron ne rajeunit pas non plus. Puis le débat a commencé d'année, il y a un monsieur riche qui a acheté deux billboards. OK. Puis il y a une photo du 5 partant, puis il a mis LeBron James. Dans le 5 partant des 76ers. OK. C'est comme ça que cette déboue a commencé. OK. Fait que c'est ça. Je veux te parler maintenant de Derrick Rose qui a signé avec les Wolves du Minnesota. On dit que le fait qu'il y avait beaucoup de joueurs des ex des Bulls, ça a fait en sorte qu'ils ont réussi à convaincre la direction. Mais là, comme Derrick Rose, qui était un bon joueur, qui a été libéré, la retraite, ça y tente pas? Tant aussi longtemps qu'il joue au basketball dans la NBA, ouais. Soit son chèque de sa commandite. OK, c'est pour ça. OK, donc, okay, 80 millions. Fait que lui, là, s'il signe pour le salaire minimum pour les Wolves, là, à 1 million par année, ouais. Il va recevoir son 5-6 millions de plus. Fait qu'à quelque part, s'il déciderait de prendre sa retraite, okay. Il pourrait probablement laisser au-dessus de 50-60 millions sur la table. OK. Il n'y a même pas 30 ans, là. C'est juste... Pour moi, ça me fait de la peine parce que j'adore Derrick Rose, Danny. C'était tout un joueur de basket. Il donnait tout. Lui, c'est les blessures qui l'ont ralenti, hein? Exactement. Ça commençait avec la blessure à son genou. Faut pas être surpris, là. Personne est intéressé à le signer. Mais tout le monde s'attendait à ce qu'il s'en aille avec les Wolves. Je vais être honnête avec toi. Si, leur meilleur joueur, des Wolves est blessé. Wiggins? De la situation de son, non, pas Wiggins. Là, j'ai un blanc de mémoire, Danny. Jimmy Butler. Okay. Butler s'est blessé à son genou. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Fait que c'est peut-être ça qui a quand même forcé la main. T'sais, Tom Thibodeau, les meilleures années de Derrick Rose, c'était son entraîneur, Tom Thibodeau. Okay. Fait que je pense qu'il y a une familiarité. Je pense qu'on va lui donner une chance. Mais il est trop bon pour ne pas être dans une équipe de NBA. Le problème avec Derrick Rose, c'est qu'il y a le côté physique, okay. Il y a le côté mental. Quand je parle du côté mental, c'est que c'est très difficile d'aller rechercher. Écoute, là, moi, j'ai 51 ans, Danny, puis quand je joue au basket, je pense que j'ai 20 ans. Mais mon corps, il dit, arrête de t'en compter des histoires. Ouais. Là, t'as 28-29 ans, là. T'es dans la flamme de l'âge, exemple, comme on dit dans le sport. Mais son corps, il se fait autant que qu'est-ce qu'il est capable de faire, tu sais. Fait qu'on l'a vu, on a vu des belles séquences avec les Cavaliers de Derrick Rose. Mais après une semaine ou deux de pratique, des fois la cheville, le genou, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais. Personnellement, j'aimerais ça qu'il prenne sa retraite parce que je pense qu'on veut rester avec une belle image de lui. Mais chapeau qu'il essaye de jouer, mais il y a plusieurs raisons pourquoi il va continuer à jouer au basket. Ouais, c'est sûr que là-dessus, entre autres, l'histoire de Comandit, tu viens de m'expliquer tout ça. Là. Tu viens d'en dire pas mal, beaucoup de choses. Hey, cette année, ça va être pas mal plus intéressant, les séries avec Golden State et Rockets de Houston qui ont gagné 15 matchs de fil. Ça promet, en tout cas. On n'a pas d'attendre la finale. Ça va être... au moins, on va avoir une demi-finale, au moins. Exactement. D'un deux côtés. Je pense que la finale NBA risque de jouer dans l'Ouest. OK. Dans la vérité. Ouais, Golden State, Houston. Le gagnant de l'Ouest va gagner la NBA. C'est sûr, parce que je vois pas comment... Mais les Cavaliers, c'est sûr que les gens doivent voir les Cavaliers. C'est sûr que là, le 5 partant est pas du tout le même là, que l'an dernier. Sauf qu'il reste une affaire que LeBron James dans l'équipe. Faut jamais les compter pour battu. Hein. 300 d'années samedi. Ouais. Si je me trompe pas, les Raptors contre les Rockets. C'est samedi? Oui, c'est samedi. Les deux numéros 1 se rencontrent. Fait que. À Toronto, c'est à Toronto? À Toronto. Okay. À Toronto, j'ai un ami qui faisait un voyage, Danny, t'aurais dû y aller. Philos? Philos en allait là-bas, oui. OK, c'est beau. OK. Fait que. Mais, tu sais, je veux dire, t'as Toronto, t'as Boston, puis t'as Cleveland dans l'Ouest, dans l'Est, puis dans l'Ouest, c'est Golden State. Il n'y a pas d'équipe qui pourrait sortir de nulle part, puis c'est trop fort, là. Ici, là, moi, au Oklahoma City, là. Ouais. Oklahoma City, puis les Spurs. les Timberwolves, c'est sûr qu'ils ont perdu, Butler pour combien de temps, on sait pas. Puis Anthony Davis s'est blessé à la cheville dernièrement, là, les Pelicans, là, c'est fort dans l'Ouest en ce moment. Il y a 6 bonnes équipes, puis dans l'Est, je dirais qu'il y a 3. J'essaie de dire 4 parce que mais Washington joue sans John Wall. Ouais. Je pense qu'il y a 3 bonnes équipes dans l'Est, Celtics, puis Cavs. Mais oublie pas une chose, là on parle des Cavaliers, ils sont quand même 3e toujours. Ouais. Ben puis c'est ça. À 9 matchs des premiers, mais oublie pas, avec tout ce qui s'est passé dans les échanges, Kevin Love, il n'est pas revenu encore. Non, hey, puis je voulais t'en parler justement de Kevin Love. Écoute, moi, je l'ai fait de mon coming out, là. Je souffre d'anxiété puis d'angoisse, puis exactement ce que DeMar DeRozan a fait et Kevin Love. Ça prend quand même un certain courage pour parler publiquement. Puis il a remercié DeMar DeRozan d'en avoir parlé. Oui. Et puis, écoute, ça, moi, j'ai trouvé ça très... très spécial que DeMar DeRozan discute de ça parce que ça montre puis là il y a une carrière phénoménale DeMar DeRozan, il vient d'un quartier de Los Angeles Compton très très très difficile de passer à travers ce quartier là et là de savoir ça, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui vont se dire ben écoute c'est là c'est une réalité. Puis Kevin Love a eu le courage d'en parler, ouais. Parce que tu sais des fois Danny, là je prends un recul comme analyste sportif, je critiquais Kevin Love parce que je disais, puis toi aussi on en disait, ben il a disparu dans le game. T'en souviens, même dans les playoffs, il est où Kevin Love? Ouais. Ouais, faut que... et c'est là que On sait pas tout, hein? Exactement. Puis tu sais quoi? Moi, j'ai des jeunes athlètes dans des programmes que je suis entraîneur. Ouais. Et j'ai introduit des psychologues sportifs maintenant. OK. Parce que justement, il y a des jeunes en pratique qui sont phénoménales, mais la seconde qui arrive sur un terrain de basketball avec des parents, des arbitres, puis des coachs qui crient après eux autres, ils sont pas capables de performer. OK. Souvent, les parents me disent, Pascal, c'est quoi le problème? Puis ça fait plusieurs années que je regarde ça, puis tu sais, souvent, on dit, ah, ben, il est pas tough mentalement, puis non, c'est de l'anxiété, c'est un stress, tu sais. Moi, j'ai toujours eu un stress, j'ai toujours eu un bon stress quand je devais performer, quand je faisais de la télé, non, tout c'est ça. C'est très différent. Au début, ça me stresse. Non, mais parce que mais des fois, il y a des gens qui sont très bons, mais quand ils arrivent devant, ils sont pas capables. L'expression anglaise, c'est qu'ils freeze. Puis il le dit, Kevin Love, il y a crise de panique complète. Ah, moi, je le vis, puis je me bats contre ça. Je l'ai dit publiquement, puis ça me dérange pas, là, puis je me bats contre ça. Puis c'est pas évident, puis de voir des vedettes qui se lèvent, puis qui disent ouais, « j'ai ça exactement », ben, quelque part, c'est ça aide, hein, à démystifier la santé mentale. Exactement. Puis la part la plus importante, c'est que souvent, quand il nous arrive quelque chose individuellement, on pense qu'on est les seuls au monde. Ouais. Tu sais? Puis juste savoir que, regarde, là, t'es pas tout seul. Parce que les gens souvent ils vont penser qu'ils sont pas normaux eux autres mêmes. Non, t'es normal dans la société. C'est peut-être pas normal d'être trop normal. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Oui, c'est ça, c'est humain. C'est exactement humain. Je vais aller du côté de la NCAA, deux choses. On va parler que Peter Yiannopoulos qui revient encore cette année comme collaborateur, mais vu que j'étais Pascal, d'abord, Marc Diski t'a trouvé très bon la semaine passée à Radio X 5D en passant. T'avais de la Josette en masse, puis c'était bien le fun, je t'ai écouté. Je veux, d'abord, Peter Yiannopoulos, j'ai parlé avec Peter, quand c'est le temps de la NCAA, et j'aime ça parler avec Peter pour avoir une autre voix de basket. Puis, Peter disait, est-ce que tu penses que la NCAA va exploser? Cette semaine, là, on n'a pas trop entendu parler, hein? C'était moins pire cette semaine, là. Ça va pas exploser, OK? OK. La NCAA va toujours exister. Comme on connaît, je sais pas, par exemple. Mais, tu sais quoi, le problème qui arrive, là, c'est que tant aussi longtemps que les joueurs, il n'y aura pas de, je sais pas, un recours collectif, puis. Regarde, la NCAA, là, elle fonctionne. Parce que si tu regardes le plus gros problème qui se passe en ce moment, tout le monde dit qu'ils font tellement d'argent. Cette année, 1 milliard de revenus, la NCAA. Avec le March Madness. C'est juste le March Madness, ça n'inclut pas... Non, oublie le March Madness. Les revenus de la NCAA de 2017 ont pour la première fois dans l'histoire dépassé 1 milliard. Hey. Okay? On sait que cet argent-là est redistribué à travers toutes les universités. Et les programmes. Les bourses, que ce soit... Je n'aimerais pas de sport pour quelqu'un se fâche contre moi, là. Mais les sports qui ne sont pas basketball masculin et qui ne sont pas football masculin, souvent sont en déficit. Et c'est le basketball et le football qui payent la différence. Exactement. Qui payent les pots. Même le baseball, NCAA, n'est pas très couvert. Ah, ouais, ouais. Maintenant, le point, c'est que les entraîneurs qui font des salaires exubérants, 1 million, 2 millions par année, des entraîneurs universitaires, ouais. Et là, pour rester haut, tu as besoin de recrues, tu as besoin de joueurs. Puis tu sais, on parle de peut-être par année une quinzaine de gros talents, là, de pas des LeBron James, mais des gros prospects là, que tu sais très bien qu'ils vont faire un an, puis ils vont aller dans la NBA. Puis hein, Marvin Bagley, là, Danny, là, s'il aurait dit, ben moi, je veux pas jouer à Duke, je veux aller dans la NBA, puis il aurait eu le droit, il aurait été repêché dans les 10 premiers. Là. Mais Marvin Bagley, oui, mais c'est pas, ça n'a pas passé le règlement de un an? Oui, non, mais je te donne un exemple. Okay. À chaque année, tu prends une quinzaine de gros talents. OK? Ouais. 10, entre 5 à 10. Des vrais talents comme c'est comme eux autres, là, ils vont faire 100 millions dans leur vie au basket. C'est réglé, c'est déjà décidé. Okay? OK. Fait à partir de ça, le reste, ça ne nous dérange pas. Ouais. La NCAA fait son argent sur le nom. Pas le nom derrière le chandail, mais le nom devant le chandail. Ouais. On est d'accord avec ça, là. Ouais. Maintenant, le problème. C'est que, puis moi je le dis, règle ta frustration. Quand je dis ta frustration, je parle de la NCAA. La NCAA veut tellement les sous noirs qui traînent alentour, c'est là que les gens sont frustrés contre eux autres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Ouais. Si un agent. C'est une machine qui a faim. Exactement. Danny, ton gars, il est bon, je veux te signer avec toi, je veux payer ton loyer, puis pour t'assurer que lorsqu'il va finir de jouer pour moi, il va pouvoir signer avec moi comme agent. C'est là le problème. Mmh. Et là, ce qui se passe, Danny, faut pas se mentir, même les entraîneurs universitaires, eux autres, ils ont des relations. Mmh. Ils ont des amis. Fait que si moi, mettons Pascal devient un agent, est ami avec Danny, qui est l'entraîneur de l'université X, ben moi, je dis à Danny, je dis, moi, j'ai deux joueurs de Montréal, ils vont aller jouer pour toi. Mmh. Comprends-tu? Assure-toi qu'ils signent pour moi. Et c'est là le problème. Et c'est là que la NCAA a dit que tu peux pas faire ça. Mais la réalité, c'est que, hey, occupez-vous juste de votre basketball. Moi, je dis pas que les joueurs devraient être payés. Moi, je dis que les joueurs qui sont capables de signer un contrat de souliers à 15 ans, ils devraient avoir le droit de le faire et ne pas perdre leur bourse. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. Et c'est là qu'on revient à Lovar-Ball, qui a amené ses deux garçons. Mais Lovar-Ball, la NCAA a dit, si ton plus jeune sort un soulier à son nom et fait de l'argent avec les souliers, il n'y aura pas le droit, c'est même pas de bourse, là. Il n'y aura pas le droit de jouer dans la NCAA. Et c'est là que moi j'ai un problème avec le circuit universitaire américain, parce qu'ils veulent pas que tu fasses de l'argent tant aussi longtemps que tu n'as pas fini ton éligibilité. Et là, je suis pas d'accord. Si une compagnie X veut me donner, à Pascal Jobin 100 000 parce que son garçon il est bon au basket, puis la NCAA va dire, ah ben si tu signes avec cette compagnie-là, ben nous, on va pas le laisser venir jouer à l'université. Parce qu'il n'est plus un amateur. C'est ça le problème. Puis là, c'est ça la vérité. En 2018, il n'y en a plus beaucoup d'amateurs. Non, c'est sûr. Puis regarde, c'est peut-être résolu cette affaire-là. Je veux te parler, Pascal, de Trey Thomas. Trey Thomas, qui est le joueur d'Oklahoma, qui a connu... Trey Young, excuse-moi, là, qui est le carrière, qui est un petit peu un excellent passeur, comparé à Jason Kidd d'ailleurs. Au début de l'année avec Oklahoma, ça allait très très bien. Et là, finalement, ils n'ont pas arrêté de perdre. Puis c'est même pas sûr qu'ils vont aller au March Madness. Incroyable pareil, hein? Puis lui, ça va être un haut choix repêchage, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il sera peut-être plus un haut choix repêchage en passant. Ouais. C'est l'année comparée. Là, tu m'as dit Jason Kidd, je trouve ça drôle parce qu'en début d'année, c'était Steph Curry. Fait que là, on est rendu de Steph Curry que Jason Kidd. Premièrement, c'est plus un Steph Curry qu'un Jason Kidd parce que Jason Kidd, c'était pas un gars qui faisait beaucoup de points, mais c'était vraiment un passeur exceptionnel. Trae Young, c'est pas un passeur exceptionnel. C'est un petit joueur. Je suis méchant quand je dis ça, mais c'est un petit joueur. Okay. Qui a commencé à Oklahoma où l'entraîneur d'Oklahoma a dit, regarde, moi, je te donne le ballon, tu fais ce que tu veux. Tu la lances quand tu veux, de n'importe où sur le terrain. T'as même pas la green light, là. Y a même pas de lumière jaune ou rouge, là. Tu fais ce que tu veux. Donc, il a commencé la saison, là, des matchs de 40 points, des matchs de 10. Ah non, c'était quand tu prends 15-3 points, puis t'en rentres 7, ben, c'est spectaculaire. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de programmes où il n'aurait jamais laissé un jeune prendre 15-3 points. Mm. Donc, mon point dans ça, c'est qu'en début d'année, il a pris tout le monde par surprise. Et depuis Noël, les équipes se préparent à jouer contre lui. Et ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils mettent un joueur plus athlétique. Pas capable de s'adapter, je me dis. Mais c'est parce que la NBA, là, c'est tous des grands et gros joueurs athlétiques. Ouais. Fait que je m'excuse, mais tu sais, Steph Curry, là, il est unique. À 6 pieds et 3, puis Steph Curry est plus grand et probablement plus fort que Trae Young en passant. Puis Steph Curry, il a l'air d'un petit gars là, sur le terrain NBA, t'es d'accord? Trae Young, il est petit, là. Je ne sais pas si tu as les statistiques de poids et grandeur, là, mais je dirais 6 pieds, 150 livres maximum. Trae Young, on dit 6 pieds, 280 livres. Je suis sur NBADraft.net actuellement au moment où je te parle. Là. Trae Young, il est probablement 5 pieds 11, puis 160 livres. Ben, je crois pas à ça, moi, 6 pieds, 280. Tu vois là, ça dépend des... Ça, c'est mon opinion à moi en ce moment. Tant qu'il n'a pas passé à Chicago avec les vraies mesures. Ouais, les vraies mesures. Fait que moi, ce que je te dis, c'est qu'en ce moment, là, Trae Young, il est c'est dommage, mais il est exposé. Okay. Exposé, on peut dire que, OK, on sait que tu es capable de faire ça, maintenant on est capable. Fait que toutes les équipes sont capables de l'arrêter. Le problème qui s'est passé à Oklahoma en début d'année, c'est qu'il a tellement contrôlé toute l'équipe que là, les autres joueurs, ils n'ont jamais été des... Fait que là, si une équipe envoie deux joueurs sur Trae Young, ben les quatre autres joueurs ne savent pas vraiment quoi faire avec le ballon. Ils ne sont pas assez habitués et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de défaites. OK. Je pense qu'il va être recruté, il va être repêché dans la NBA. Pas huitième. NBADraft.net, au moment où je te parle, là, il le classe au huitième rang. Ben moi, là, je vais être méchant, là, mais je pense qu'il va être peut-être plus dans les 15-20. OK. Monsieur, c'est tout un recul quand même. C'est tout un recul pareil, mais puis le gars n'est pas capable de s'adapter. C'est ce que tu me dis là. Ben, c'est que là, il a mis la barre tellement haute. Maintenant, es-tu prêt à... La même façon que Steph Curry. Steph Curry a mis la barre haute. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'a jamais rebaissé. Tu sais, dans la NBA, là, les équipes s'ajustent pour toi. Quand Steph Curry faisait ce qu'il faisait à l'université, la stratégie de l'équipe adverse, c'était d'arrêter Steph Curry. Ils n'étaient pas capables. La stratégie de quand tu contre Oklahoma, c'est d'arrêter Trae Young. Et le problème, c'est que les équipes réussissent à le faire en ce moment. Ouais. C'est ça le problème. En terminant... Tout le monde par surprise. Oui, Pascal, on ne parlera pas du March Madness. On va parler plus avec Peter la semaine prochaine. Par contre, il y a le Jordan Brand Classic qui va avoir lieu le 8 avril prochain. Et ça va poser... ça va être très intéressant, Jordan Brand, pour les gens qui veulent connaître un petit peu les grandes vedettes. Tu vas avoir d'un côté Zion Williamson et également, voyons, R.J. Barrett. Et de l'autre côté, tu vas avoir Bo Bolt, qui est le fils de Manute, et Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, oui. Shaquille O'Neal, oui, c'est vrai. Pas Shaquille, Sharif. Donc, ça va être intéressant, ce Jordan Brand Classic-là. Ah, c'est toujours intéressant. Et là, il y a quand même des gros noms, là. Ouais. Tu sais quoi, si la NBA décide de changer les règlements d'ici septembre, il y a certains de ces joueurs-là qui pourraient être repêchés, en passant. Barrett et Williamson, surtout. Moi, je vois. Ils sont commis déjà? Ouais, à Duke. Ouais. Honnêtement, moi, si c'était mon enfant, puis le règlement de tu peux pas être repêché avant la première année, techniquement. T'es pas obligé de jouer. En passant d'année, les joueurs ne sont pas obligés de jouer dans la NCAA. OK. Ils ne peuvent pas être repêchés avant 19 ans, techniquement. Ils peuvent aller jouer en Europe. Est-ce que l'Europe pourrait être une solution? Non, c'est pas. Brandon Jennings l'a fait. Il y a un joueur, j'oublie son nom, il a été repêché cette année dans la NBA en première ronde. Lui, il est parti. Il restait 2 ans au secondaire, puis il est parti jouer en Australie. OK. Il était repêché dans la NBA. T'es pas oublié. C'est que, on va dire les vraies choses, Danny. La NFL puis la NBA, ils ont le plus gros système pour produire leurs joueurs. Pour qu'ils deviennent des stars, c'est la NCAA, tu comprends-tu? Ouais. Ils n'ont pas, comme au hockey, il n'y a pas d'équipe de Laval. Les Canadiens ont l'équipe de Laval, t'es d'accord avec moi? Ouais. C'est pas prestigieux de jouer à Laval. C'est bien mieux jouer à Duke que jouer à Laval. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. C'est bien plus prestigieux, c'est bien plus le fun. Si tu dis, j'ai le choix d'aller jouer dans la G League à Toronto 905 ou d'aller jouer à Duke pour un an, je vais aller jouer à Duke. Mais si je ne suis pas payé, je prends pas l'autobus, je ne suis pas dans des hôtels 3 étoiles, je suis dans des hôtels 5 étoiles, je prends l'avion à chaque game. Ça, c'est le top 40 des universités américaines. Tu comprends ce que je faisais par là, Danny? Mon point dans ça, c'est que la NBA, là, eux autres, depuis les années 50, ils disent pas un mot. Parce que leur système, c'est quoi le mot que je cherche? Farm system, comme on dit en anglais? Ouais. Leur système de développement, ça a toujours été la NCAA. Tu sais, on parle de la NCAA, mais la vraie critique, c'est la NBA. Enlève ce règlement-là, repêche un joueur, quand il finit son secondaire. Repêche-le. Ouais. De toute façon, Danny, là, si ton gars c'est un prodigé au piano puis reçoit une bourse à New York. Ben c'était ça, hein, là. C'était qui? Écoute ce que je vais dire, Danny. Ton gars s'en va. Il reçoit une grosse bourse à New York, là. Tu sais, les affaires de musique, là, les universités de musique, là. Ça va là sur une bourse. Mais s'il veut, il peut faire des concerts et être payé. Mm-hmm. Pourquoi au basket, tu peux pas faire la même chose? Je sais pas si tu comprends où j'ai un point. Fait que c'est plus ça, mon point. OK. Pascal, on se reparle dans deux semaines. On fait plaisir. Notre collaborateur, Pascal Jobin de la NBA.